pour remettre à un mode moins violent. Youpi. Bonsoir. Salut. Salut monsieur, comment vas-tu? Salut. Salut, très bien. Et salut. Alors, Artie et Willem, vous allez bien monsieur? Ben Parfait. écoute, c'est le soir, le petit est couché. Ah bah. Couché. C'est la fête. C'est le soir, ma fille devrait être couchée d'ici 1 heure. Parfait. Incroyable. Toujours compliqué. Ah ouais, ça fait 8 semaines. Ah franchement, moi, pas béni. Je raconte comment c'est passé avec mon fils, tout le monde fait ah, pas de chance. Ouais. Attention, ça Et diffuse, j'aime hein. ça. Attention, ça diffuse. Donc après, ils vont tous vous entendre, les gens. Alors attendez, moi, Bah, ils je vais sont où parler bien, pour eux. fils en or, voilà. Voilà. Attends, je donne ma chaîne parce qu'il y en a qui savent pas la retrouver. C'est déboulé. Faut Tac, vraiment tac. enregistrer. Docteur Obsidian. Exactement. Bonsoir tout le monde. Salut. Salut Salut! Maël. Comment vas-tu, Maël? Ça va, ça va. On sort du boulot, on vient de manger et on est là. Eh ben c'est très bien. C'est Pile poil, tu vois. Pile ça. poil. Fais gaffe, tu peux te retrouver interdit avec le confinement. Ouais, ça Hein. faillit être limite, ouais. C'est vrai, hein. Ah non, 21h en plus, c'est carrément limite. Limite C'est plus que même. limite. C'est ça. C'est limite, mais de l'autre côté, quoi. Ouais, c'est ça. C'est limite, mais du mauvais côté de la ligne. Ah, c'est ce que j'ai expliqué au mec des canuts là tout à l'heure, parce qu'on va faire une réunion pour les Voraces et tout et tout. S'anime. Voilà, et on doit faire une réunion la semaine prochaine. Et je disais, bon, bah, on se retrouve où? Jeudi soir prochain. On se retrouve où? Et puis t'en as un qui me fait, bah, on fait pas à distance, parce que là, avec le couvre-feu et tout. Ah ouais, mais moi, le couvre-feu, ça change tellement pas ma vie que je l'ai pas intégré encore, en fait. Autant le confinement, ouais, mais alors le couvre-feu, bon, ça va. Bon, alors on va commencer par le tirage au sort. Et oui, messieurs, c'est pas le débrief tout de suite. On va faire le. Non. Ah non? Non. Ah, pourquoi? Sinon, Guillaume, tu parles avant? Oui. Ah! Ah déjà. Ah, Eh Willem, faut ben, que en tu te. fait, sinon, ça va être de la merde. Ouais, c'est vrai, c'est pas fou. Eh ben, on va lancer la bombe immédiatement alors. Ah. Du coup, c'est que Bonsoir, malheureusement, bonsoir. Je ne sais pas Attends, si tu parles Nîmes, attends, encore. tais-toi, dis rien et 2 secondes. Vas-y, vas-y, Willem. Je ne serai pas présent à l'Euroball malheureusement. Ah merde! Eh oui, il s'avère que je vais devoir laisser ma place. On en a longuement parlé dans l'équipe et ils pensent que je suis pas au niveau, donc je pense que je vais devoir partir. Balance. T'as dit que tu le dirais pas. Non, j'avais promis de pas le dire. Non, non, il a dit qu'il dirait pas qui lui avait dit qu'il avait pas niveau. Il donnerait pas de nom, mais. C'est vrai, j'aurais dû mieux formuler. Non, malheureusement, je dois me faire opérer du genou au mois d'août et il y a de fortes chances que je puisse pas marcher début octobre. On s'en fout, ça ne Donc, marche, ils vont te porter tes potes, c'est bon. ouais, on y a pensé, mais. Il paraît que t'es pas très lourd, donc. Ouais, bah, on verra après les confinements, les couvre-feux. Hein. Ouais. En Mais plus, oui. c'était bien, ils nous faisaient le quota handicapé, donc c'était parfait, C'est quoi. ça. Oui, parce que je me suis déjà fait opérer une première fois du genou, en fait. Donc je marche Ah déjà pas merde. très bien en ce moment. Ah merde. Bon, bah écoute, super mauvaise nouvelle quand même. Ouais, bah ouais, dégoûté. Tu Dégoûté, m'étonnes. mais voilà, après, le fait est qu'en plus de tout ça, ma disponibilité est grandement décroissante parce que ma boîte fonctionne plus rapidement que prévu. Et comme on en discutait tout à C'est une l'heure, très bonne niveau nouvelle. perso, c'est un peu compliqué avec la famille. Donc c'est peut-être aussi bien finalement de laisser la place à quelqu'un qui va pouvoir être plus actif. J'ai pu l'être bah, depuis ma depuis ma depuis qu'on Ta ouais, depuis que nomination, ouais. j'étais ouais, exactement dans l'équipe. Mais là, c'est plus compliqué depuis les vacances. Donc concrètement, tout ça réuni. Enfin voilà, je préfère rester avec l'équipe, les accompagner, faire des matchs d'entraînement, faire un peu de com si besoin, faire voilà tout ce qu'il faut avec l'équipe. Mais Très à côté. Si au final je peux pas les accompagner, si 10 jours avant j'annonce que je peux pas être dispo, bon, c'est pas top, donc autant le faire le plus tôt possible. Ok. Ok, bon Donc voilà bah, pour le tirage au on va le sort. prendre dans l'ensemble. C'est. Alors attends, par contre, t'étais... Ouais, d'accord. Bon, après, t'étais pas prévu dans le dans l'affrontement Non. TDF, donc, mais... Non, mais en fait, on n'a pas donné nos rosters, c'est pour ça. Vous avez pas donné vos rosters. Oui, non, non, non, effectivement. Ah, Voilà. ça risque de changer, d'accord, ok. Ah, Il est voilà. possible qu'il y ait des changements, oui. Ok. Bon, j'avais noté des trucs, moi, mais... Bon, très bien. Voilà. C'est pas grave. Ce sera des noms, alors. Ce sera des coachs Viens contre de te des faire coachs. gagner quelques questions. Non, non, Comment? Ouais. mais c'est pas un problème. On va te donner les rosters. On te peut tout te dire maintenant. Ah, La bon, bombe est d'accord. lancée. Ok. Bon, bah Maintenant, il n'y a si... plus de. Mais on voulait que Guillaume annonce. Dise les choses lui-même avant de faire quoi que ce soit. D'accord, bah c'est génial. Bah c'est cool, j'ai un scoop, donc merci. Hein, voilà. Avec ça le va me faire nombre plein de de sous sur connexions Twitch. avait bien monté là. Ah ouais, on est passé de pouf 1 à 3 connectés, quoi. Ouais, pas mal, pas mal. Non, il y avait plus, il y avait plus. Bon. Ok, bon, bah attendez, je vais essayer de me remettre. Ouais, le buzz sur Opsi TV, Rascal, exactement. Ouais. Je me remets doucement. Donc, alors, déjà, il y a un truc que vous devez savoir, c'est que. Donc il y avait donc vous étiez 6 à jouer hein, sur le prochain match du Tour de France. Arti, Darsmael, Silk Kun, Olivier Dulac, Sam Dulac et Clément Zéro. On est d'accord? Donc tous les. J'ai compris que les rosters n'étaient pas forcément décidés, donc ce que j'ai écrit c'est faux, mais c'est pas grave, je le réécrirai. Par contre. On les connaît les rosters là, Oui, non, mais on je les me voit. doute, ouais, vous allez pouvoir me le dire, effectivement. Ouais. Par contre, ce que vous savez peut-être pas, je sais pas, peut-être qu'ils vous l'ont dit, mais c'est que vos potes des Lim ont décidé pour vous de vos adversaires. Eh oui, eh ben, c'est normal, ils ont fini troisième, ils ont le droit de vous bizuter quelque part. Je sais pas si c'est un gage, quoi, en fait. Pas de Donc, souci. Sebo, qui sera en HL, va rencontrer Arti, qui sera MV. en MV. Ok, très bien. Simon Anslan. Alors attends, comment j'ai fait ça moi? Ah ouais, non, il faut que je le change là. Attends, pardon. Tac. C'est ici. Voilà, donc MV. Eh, mais si je le fais pas paraître, vous n'allez pas le voir. Ça va beaucoup mieux marcher. C'est pas grave, vous voyez tout d'un coup. Simon Anslan va jouer contre Darsmael qui va jouer en. Nelf? Elfe Pro? Ouais, en pro, ouais. Ok, ouais. Il n'y a que dans la vie, non? T'es pas d'accord? Mais moi, je n'en vois aucun autre qui soit intéressant de toute façon. Et Suis d'accord. Gus en ES va jouer contre Silcoon, qui va jouer Amazon. Amazon. Ah bah ça c'était bon. Amazon, très bien. C'est bien, c'est chiant. C'est cool. Ah oui, ça, on Ça est d'accord. va pas être les plus simples, donc ça c'est sûr. Donc il reste Delessio en Nain du Chaos, Nîmes l'Ancien en Elfe Pro et Davouille en MV. Donc maintenant tu peux. Bon, Nîmes, tu Bah peux revenir Nîmes, s'il te vas-y. plaît. Ah bah non, c'est Et au il va hasard. tout Hein. choisir? Comment? Ah mais non, il peut tout choisir. Attends. Si l'équipe de France elle a choisi la moitié des matchs, on va laisser Nîmes choisir les autres, quoi. Non, Faut pas non, déconner. choisissez. C'est vous qui vous entraînez là, c'est tout seigneur, tout honneur. Ah non, mais soyons clairs. Après. Pire c'est pour nous, mieux c'est pour nous. Non, mais justement, c'est pour ça que je choisis. Et d'ailleurs, si vous voulez un EP Eldrill ou un EP sans Eldrill, c'est vous Ah qui bah tu choisissez mets aussi. Eldrill hein, en EP. Dans tous Ça les marche. cas, ça finira dans la fosse, donc bon. Ou moi. Ah, Ou sous les tu n'as pas crampons. précisé qui. Alors, Oui, bah vantez-vous avant, il hein, y a Clem, quand vous pouvez. qui réclame Nîmes, donc. Allez, envoie-moi. Il m'a jamais battu en tournoi, là même avec des Elflings alors qu'ils jouent Non mais Skaven. attends, Mais bon, allez, Clément, non. il est en train de choisir son match-up en plus. Non mais vous foutez de ma Non, gueule quand même. mais sinon, moi j'ai Non, préparé une non, non. Eh, petite je croyais roue. que ça devait. J'ai Ouais, mais c'est préparé une roue difficile au que Clem hasard. contre moi, c'est difficile pour lui. Alors attends, Clément, il va prendre Delessio. Il reste quoi comme match? Delessio Il Davouille, reste on va Sam dire ça. Dulac. Il va jouer Ouais. en quoi, je ne sais pas. Mais. En comment ça Breton. s'appelle? En Breton. breton. Olivier Dulac en Skaven. Ouais. Et Clément Et Zéro en humain. Clément en humain. Voilà. Ok. Bon, ça c'était bon alors. Et j'ai une roue. Et moi je peux faire au hasard si vous voulez. Hein. Mais est-ce que ta roue, elle Ça peut peut être être Breton trafiquée? Elfe Pro. Ah bah attends, imaginons si on fait un petit MV Skaven. Un petit MV. Nainduc Humain. humain de Clément. et puis après ça fait EP Breto Elfe Pro, ouais. Alors apparemment Breto Elfe Pro, ouais, je pense que c'est plus là, chiant. Là, là on a le truc le plus casse-couille qui est pour le DF, ouais, c'est parfait. Mal. Je pense, ouais, je pense. Vous voulez ça? Allez. Moi je suis pour. Allez, ça te va? Bah, écoute. Bah après je suis preneur. Alors il y en a, je vous préviens, hein, il habite à Lyon, hein, et il va vous en vouloir apparemment. Hein, et il était pas vraiment fan d'avoir des lessions en face. Hein. Alors, mais lui, il a une surprise, il a peur. C'est ça. C'est la peur qui parle. Je ne vois que ça. Non, mais si tu croyais franchement qu'on écoutait Clément quand il parle, on s'en sortirait pas. Hein. Ah, si, bon, bah alors, je vire ma roue. Vire tes roues. Ouais. Donc voilà. C'était joli cette petite roue. Ah bah oui, elle était bien ma roue, elle marche bien, ouais, en plus et tout, et puis bon, je me suis fait chier à la faire quoi, mais bon, on veut pas. Non, je l'avais retourné quand c'est même. Pas voilà. C'est pas un tréma sur le i. C'est pas un tréma sur le i. Ah bah moi j'ai fait un copier-coller de ce que m'a envoyé Tutu, hein, moi. Non, ouais, effectivement, bah, c'est ça. Vous parce écoutez, que... tu le casses en plus. Si je l'avais écrit, autant te dire qu'il y aurait eu un S. Le vieux même. Donc voilà, bah très bien, bah voilà le tirage au sort, je vais l'envoyer tout de suite à Tutu. À votre avis, est-ce qu'on aurait pu faire pire? Ah, attends, faut que je me mette sur le Twitch parce que je les vois pas les. Ah bah attends, je te répète, c'est Botuno contre on a en HL, enfin HLMV. Ouais, ça c'est la cata. Slan Elfe Pro. Mais c'est Sox contre Sox. Slan Elfe Pro, c'est chiant, mais un match de chaussettes. Okay. En même temps, c'est Slan, donc bon. Ouais, mais Slan, c'est chiant. C'est pour Simon. Tout, hein. Oui, oui, non, mais c'est chiant pour tout le monde. Okay. Sylvain Amazon. Vous êtes toujours en deuxième. Sylvain, hein. Amazon. Ouais, ouais. C'est chiant. Nain du humain. Non, c'est chiant pour Sylvain, en fait. Non. Il y a un nain. Ouais. Ouais, nain. Nanduk. Ah, Nanduk ou humain. Nanduk humain. Est-ce que ça aurait pas été mieux de mettre Silcoon contre Delicio? Moi, j'aurais bien aimé le Nanduk sur l'Amazon, quand même. Bah ouais, en fait. Ouais, parce que c'est quand même son pire match-up. Hein. Bah, si ça s'enfuit rapidement avec la balle, que ça ramasse pas, ça peut être... Ouais, ça peut comment tourner le match. Ouais, mais on peut pas mettre les humains contre les Sylvains. Pourquoi? Bah, Clément c'est pas joué contre les Sylvains, donc c'est bon. Clément c'est... De toute façon, il dirait que c'est de la chatte, s'il me perd. On a fait un match test, il me sort un joueur par tour. Et du coup, il fait pas de cash pour son porteur. Alors, il se prend un 2D contre, il se prend un contre. Voilà. Et après, on a quoi? Un Skaven MV? Et MV Skaven, ouais. Et Bretonien contre Elf. Donc Bretonien Elf. Elf Pro, pardon, ouais. Elf Pro de Nîmes contre Samu Lac en Breton, ouais. Bretonien est dessous par rapport à l'Elf. Ouais. Ouais, non, ouais, c'est pour inverser l'humain. L'Elf Sylvain, c'est le meilleur roster, donc ça fera le cul à. Ça fera le cul à Clément, donc c'est parfait. Non, Clément il va jouer des NDC. Hein. Ça c'est une vision petite bite, mais si on ou alors, une vraie vision. Ou alors on permet à Opti d'utiliser sa roue. Comment? Allez. Ouais, 50-50. Tu fais ta roue, ouais. Et tu nous dis qui a raison. Ah tiens, hey, on fait. J'ai rien compris. J'ai rien compris non plus là. Montre-nous ta roue. Ouais, je joue Union et Fix. Tu veux que je te montre ma roue vraiment? Vas-y. Donc ma roue, voilà, elle était là. Alors, elle est bien lisse. Hein. Elle est bien. Hein. Hop, je la remets à zéro, voilà. Donc il y a Olivier Dulac, il y a Sam. Ah merde, si je fais comme ça marche pas. Il y a Clément Zéro, il y a Sam et il y a Olivier, voilà. Et vous voulez quoi alors? Après, je peux la changer, je peux la modifier, y'a pas de soucis. Vous me dites, et tu peux pas mettre alors, juste. Là, je change du coup. Si, dis-moi. Ouais, tu. Deux noms. Mettre... Ouais, non, tu... alors tu mets. Tu mets deux noms. Non. L'autre, c'est Nîmes qui choisit. Ok. Alors, je mets quoi? Tu mets Nîmes. Tu mets Naduk. Et tu mets ES. Nîmes, Delessio et Gus. Oui. Ou Nem, ES et. Marche. Nîmes, Delessio, Gus. Ok. Je modifie ma roue. Elle est modifiée. Ah, parce que j'ai des tristes de ne pas pouvoir rendre hommage au travail préparatoire. Quoi. Donc Delessio, c'est pour qui Delessio? Je suis hypnotisé, ça y est. Quoi. T'as vu? Donc c'est pour. Donc Delessio, c'est pour. Parce que, c'est pour l'Amazon. Oui, on aurait peut-être dû définir ce qu'il fait. Mais c'est ça, voilà. Après, je peux la relancer, hein, je peux la relancer l'autre fois. C'était évident que c'était pour l'Amazon le premier. Ah bon. Parce que là, c'était délétion pour délétion. Là, donc. C'est pas honnête. Ça. Non, Silcoon, non. Les Amazones, c'est Silcoon. Il a déjà été défini par les Lim. Hein, donc c'est soit Clément. Dessus, non, ça, vous pouvez pas revenir dessus. C'est soit pour Clément, soit pour Sam, soit pour Olivier. Bah, dans ce cas-là, si on peut pas revenir dessus. Attendez, un instant. On est bien d'accord que Silcoon devrait être avec nous. Là, il est pas présent. Ouais. Et en plus, vous êtes gentil avec lui. Ah bah, désolé. C'est les troisièmes du tournoi qui ont décidé du gage des 14e. Qu'est-ce que tu veux? Mais ils sont mauvais en plus, ces troisièmes du tournoi, quoi. C'est la seule fois qu'ils sont mais vous êtes pire, c'est ça le truc. Ça se passe toujours comme ça, les soirées avec l'équipe de France, ou à un moment, les gens s'écoutent? Non, début, il y a l'animation, on est calme. Non, c'est tout le temps comme ça. Non, bah du coup, tant pis, on le met avec les ES. Qui délétion. Mais il n'y a pas d'ES. On ne peut pas les prendre les ES parce que ça a été prédéfini. Non, moi je voudrais juste savoir. Je voudrais juste que tu mettes la roue et que tu mettes que Gus dessus. Et qu'on la fait tourner pour savoir contre qui Clément joue. Tiens, allez. Voyons ça. Merde, après, ça marche plus. Ah ben voilà, on a cassé la machine. Ça marche plus. Après, c'est une roue avec un nom. Ça marche plus, vous m'avez cassé ma roue. Ceci n'est pas une roue, c'est Magritte là, ce soir. Non, mais après, on peut faire 5 cases avec 5 fois le même nom, ça me dérange pas. Hein. On peut tourner après. Ah, on a fait le tirage au sort. Le trucage au sort. Exactement. Ouais, alors, on a fait la roue et tout, et c'est tombé sur Gus. Bon. Le hasard fait bien les choses. Ça, c'est la roue, il y a marqué yoga. Eh ben attends, c'est la merde. Allez. Carrément. Donc ça, c'est l'adversaire de Clément. Il y a marqué Kamas. Il y a marqué Kamas. C'est l'adversaire de Clément, ouais. Voilà. La roue avec Kamas. Bien joué, Clément. Il joue contre Gus. Ok. Donc. Bon, allez. Bon, on est bon. On reste comme ça, donc alors, délicieux. On reste sur le premier tirage. On reste sur le premier, non mais bien sûr, il n'y a pas de soucis. Comme ça, Clément, il a délicieux, c'est parfait. Et voilà, non, tout le monde est content. Après, on vient qu'on a triché, quoi. Oui, et puis bon, vous n'avez pas besoin de ça. Comme tu le vois, en EDF, il y a une ambiance pourrie. Oui, bah, je vois que ça s'engueule tout le temps. En même temps, tu peux pas t'engueuler avec les gens que t'écoutes pas. Oh, méfie-toi. Alors attends, il y en a un que j'entends pas là, c'est Fox. Si, je suis là. Ah, t'es là, ok. Non, mais je parle depuis tout à l'heure, mais personne. C'est la force tranquille. Non, mais comme ton. C'est normal. Comme ton... C'est la force tranquille de l'équipe. Comme ton pseudo est vert, si tu veux, je vois pas toujours quand ça s'allume de ton côté, et donc j'étais pas sûr qu'on t'entendait. S'il faudrait prendre le fort, il est plus pas vert le tranquille pour... de l'équipe, plutôt. Le tranquille seulement. Bon, bah très bien, bah voilà, on a le tirage au sort qui est fait, donc c'est. Merci les gars, on va faire 18 matchs de training ce soir, cette nuit, tout ça. Et puis vous nous tenez au courant pour quand est-ce que vous jouez. Quand est-ce que vous voulez jouer. À partir de la semaine prochaine, on lance ces trucs. Il me semble que ouais, hein. Vous pouvez. Hein. Okay. Enfin, j'ai envoyé ça à Tutu et puis il y a Poulpi qui est déjà sur le coup pour la fiche. Et Tulkas va lancer le truc sur Fumble et puis voilà. Yep, ça marche. Yes, bonne soirée, je vous souhaite bonne année à tous. Ciao, ciao. Bonne année. Ouais. Bonne année. Remets-toi bien tes genoux, Willem. Ouais, il dit qu'il a plus de genoux. Il a plus de genoux, oui. Moi, c'est les il dit qu'il voit pas le rapport. Ok, bon, bah alors, cette bonne chose étant faite, hop, on va passer au débrief. Bon, alors, j'ai préparé des trucs. Ouais, parce que quand même, hein, encore j'ai bossé des machins. Bah, j'ai bossé un peu moi cet après-midi. Comme j'ai pas de boulot, j'en profite. Je fais autre chose. Ah ouais? Eh ben oui. Alors, on n'est pas là pour parler de moi. On va parler déjà du tournoi. Comment ça s'est passé? Quel est votre ressenti global, grosso modo? Alors, là, je vais te demander. Pose la question à quelqu'un, sinon tu t'en sortiras pas. Oui, c'est pas bête. L'expérience du débrief EDF. Bon, bah Maël, puisque tu parles, vas-y. Moi, globalement, j'ai eu de la chance, donc j'ai fait des bons résultats. Le reste de mon équipe, ils étaient mauvais, donc on avait fait des résultats moyens au final. Heureusement que j'ai relevé le niveau. Je vais t'acheter, voilà. Ah, mais je l'ai dit avant. Que le niveau de jeu ou le niveau de chance? Oh, bah, le niveau global, quoi. C'est... Moi, j'ai pris de la chance et eux, ils se démerdent, quoi. Et après, sur l'équipe de France, si on réunit les deux équipes, on peut voir qu'il y a beaucoup d'équipes européennes de l'Euroball qui ont fait la même chose que nous, à prendre l'équipe nationale et la diviser en deux. Si on cumule des points, on est premier ex aequo avec des Italiens. Il y en a qui a bossé. Hein. Putain, bon, donc, ouais. C'est bien, sachant surtout que nous, on a changé les rosters. On a tous changé de roster il y a 2 semaines avant le tournoi. Ouais. Donc, alors que les Italiens, ça fait 6 mois qu'ils jouent avec. Donc, c'est bien. On a une marge de progression. On est bien. On est propre. Donc voilà. Donc non, relativement content. On a fait des tests avec Kevin qui ont été parfaits. William, Guillaume avait fait 3 matchs sur Fumble avant le tournoi. Donc c'est logique qu'il galère. Donc voilà. On fait des résultats qui sont très corrects dans l'ensemble. Mmh. Les deux équipes. Sachant que, bon, après moi j'étais une équipe d'handicapés, donc c'était un peu plus dur, mais c'est vrai. Ouais, voilà, quand on est le moteur de l'équipe. C'est ça. C'est, et il n'y a personne qui contredit, tu vois. Non, c'est vois, bon. Je vois, t'as une sacrée, comment dirais-je, un sacré impact. C'est Nora. Ah oui, Nora, voilà, sur les coéquipiers. Impressionnant. Ok, bon, bah très bien. Pardon, bah excusez-moi, j'étais atterri, je viens de reprendre connaissance. Tu veux que je recommence, Kevin, t'es sûr? C'est un coup à retomber dans les vapes une deuxième fois, là. Alors, eh bien, très bien, on va passer aux questions maintenant qui ont été posées là, par les gens. La première question de Manx. Au vu des 3 premiers matchs du Final Four, pensez-vous travailler le one turn et l'anti one turn? Oui, clairement. pour la faire courte, je pense cette question, les gars, je vous laisserai les autres. Toutes les autres, ouais, c'est sympa ça. Ah, on va tourner. Oui, non, bien sûr. Clairement, au début, on était plus sur du débourrage. C'est-à-dire que bah, personnellement, ça fait longtemps que j'avais pas touché le terrain ou autre, j'avais pas en main le roster, donc on n'était pas encore sur ces trucs là. C'était plus effectivement sur les phases d'attaque, les timings ou autres qui sont un peu différents de bah, suivant les rosters, suivant les compos. Donc c'est clairement plus là-dessus qu'on a accès. Ceux qui étaient plus à l'aise ont déjà commencé effectivement à travailler les one turn, mais ça c'est plus sur les finitions parce que c'est ce que j'appelle des coups de pied arrêtés. C'est des positions qui sont facile à travailler. Tu sais comment tu commences et tu peux placer à loisir tes bonhommes en fait. Donc c'est comme si tu faisais une attaque en 2 tours, une attaque en 3 tours. C'est des choses qu'on fait plus vers la fin, je trouve, parce que c'est des tableaux à prendre, c'est des tables d'addition, grosso modo. C'est un truc que tu apprends par cœur et que tu replaces. Ouais. Il faut savoir, c'est obligatoire, ça fait partie de tes outils. Il faut que tu les maîtrises. Par contre, ça vient quand même derrière la compréhension générale du roster, parce que à la limite, si tu as bien prévu la première partie, tu n'as pas besoin de faire un one turn ou un anti-one turn, parce qu'il n'y aura plus de joueurs. Ouais. Mais bon, c'est théorie. On est d'accord que ça a travaillé, mais c'est, pour moi, ça vient dans le second temps. C'est les coups de pied arrêtés. Ok. Là, j'étais pas encore arrivé à ce niveau-là, personnellement. Puis ça peut se travailler, après. Enfin, je veux dire, effectivement. Oui, non, mais moi, j'en ai pas eu besoin, donc. Il y a clairement des bases, et c'est essentiel. C'est essentiel de travailler ça. Par contre, j'étais pas encore arrivé à ce niveau-là. Mais le tercer n'était pas assez bon pour ça, donc je peux pas dire. Non, mais on l'a vu par exemple avec Sam. Il était aussi dans le travail général du roster. Il a bien progressé dessus. On le voit d'ailleurs au niveau de son. Et ses résultats et même du déroulé des matchs. Il a pris du galon sur ses matchs. Par contre, clairement, ça lui a joué des tours. Le fait qu'il ne maîtrisait pas encore ces outils qui sont essentiels à maîtriser pour un joueur de football, pour un gros joueur de football, et qu'aujourd'hui, on n'a pas encore travaillé. Bah, et puis clairement, pour dire ce qui s'est dit aussi dans l'équipe, hein, c'est qu'avant même le Final Four, où il y a eu des one turns, c'est un point qu'on avait déjà évoqué, le fait de de justement travailler ses placements. Donc c'est un point qui, oui, qui sera au sujet, au menu de l'équipe. D'accord. Et un point aussi qu'on voulait aborder pour tout ce qui est ces coups de pied arrêtés. Alors fumble, c'est top pour faire de la quantité, on fait des matchs. Pour tous ces coups de pied arrêtés, c'est beaucoup plus difficile fumble parce qu'on n'a pas la même interaction avec les figurines ou autres. Ouais. Donc notamment, on travaille sur d'autres solutions. Donc, il y a BB Pusher avec la solution des UK, mais il y a aussi sur Tabletop Simulator où on teste en ce moment pour que ce soit plus facile justement pour travailler sur ces coups de pied arrêtés là. Ah ouais, sur TTS, ça marche bien ça? Blood Bowl sur Tabletop, ouais. Ouais. C'est pas idéal pour faire un match. Parce ah, que sur, d'accord. Sur Fumble ou autre, t'as tout ce qui est automatisé, donc tu t'embêtes pas en fait. Ouais. Enfin, ouais. Du coup, c'est fini. Par contre, t'as les plateaux, t'as les petits bonhommes qui se mettent automatiquement sur les cases. Mm-hmm. T'as les dés, t'as toutes les équipes que tu veux, t'as toutes les règles, t'as même Blood Bowl 2020 si t'as envie, t'as toutes les règles sur le Tabletop. Ah ouais, ouais, faut que je regarde alors. Pour jouer. Je savais pas, ça, pour le coup ça m'intéresse. Ça peut être tout ce qu'il faut pour jouer, et là l'avantage c'est que tu peux vraiment, bah, déjà, un, t'as une vraie vue comme en, ouais, comme en vrai en fait, comme du, match, du ouais. plateau. Ouais. Et surtout, tu peux aussi arrêter le mec et faire bah non, regarde, là tu passes là, tu passes ouais. là, etc. Et avoir des repères en fait que t'aurais dans la vraie vie. D'accord, ok. Ah, et c'est l'avantage de Tabletop. Ah bah faut que je me renseigne alors. Bah merci pour l'info. Je pense surtout à la Ligue par exemple, où les mecs, il y en a des. Il y en a qui sont réfractaires à soit BB2, soit Fumble. Là, le faire par Tabletop Simulator, peut-être que. Alors après, tu me dis que pour un match c'est compliqué, mais peut-être que c'est peut-être plus une habitude. C'est pas tant que c'est compliqué, c'est que Tabletop, enfin, comment dire, les non, options qui existent déjà ouais. sont automatisées. Et du coup, bah, là, t'as pas l'automatisation. C'est juste un moteur physique, Tabletop. Ouais. Et du coup, bah, voilà, faut que tu prennes les dés que tu les lances, ou que tu appuies sur le bouton pour lancer. Des blocages, etc., ça va pas automatiquement de mettre ton joueur au... Ok. Non, mais t'embête pas, enfin, on va pas en parler maintenant, c'était pas le sujet du soir, mais je regarderai ça. En tout cas, merci pour l'info. Ouais. Et puis pour ceux qui. Au niveau préparation, pour répondre à la question de manque, au niveau préparation, mm-hmm. et notamment pour les one turn, anti one turn, on a prévu Tabletop pour avoir une. Plus ou de du vis-à-vis si on a le droit de se voir. Oui, bien sûr. C'est ça, mais c'est pas encore gagné, hein. D'où ouais. la solution alternative. D'accord, bah, il faut trouver des solutions, c'est clair. Très bien, bah, écoutez, je pense qu'on a répondu. Alors, deuxième question, Justicium. Est-ce que ça va marcher ma solution? Oui, ça marche, c'est super bien. Avez-vous réussi à créer de la cohésion sur cet event online? Donc, c'est en particulier cet event, je pense, hein, on est d'accord. Est-ce que ça vous a. Voilà. Est-ce que vous avez réussi à créer la cohésion? Est-ce que vous avez... Fox, si tu veux poser une question, surtout, tu me coupes, parce que moi, j'ai tendance à... Ouais, à vas-y, parler. Vas-y, vas-y. Non, mais je t'en prie. Tu poseras la prochaine. Tu fais ça tellement bien. Donc, en gros, c'est, ouais, la vraie question, c'est, voilà, est-ce que vous avez réussi à créer la cohésion sur grâce à cet event? Genre, je pense que c'est comme ça qu'il l'entendait, mais... voilà, et puis après, plus généralement. On a vu vous engueuler tout le temps, mais à part ça... Bon, c'est une question pour toi, William, du coup. Ouais, je pense, hein. Je dirais que moi, je peux pas trop en parler dans le sens où j'ai pas vu comment c'était avant, vu que je suis arrivé quoi, un mois avant l'event. Après, ce que je peux dire, c'est comment c'était pendant l'event. Et clairement, on a quand même des acharnés, hein, il faut le dire, dans cette équipe. Des gens qui... bah, en fait, moi, j'ai mis le WhatsApp en silence et ça m'arrive parfois d'ouvrir et de voir 70 messages deux heures après. Donc, clairement, il y a de l'échange. Il y a de la... Ça charrie bien, donc il y a de la vie. Voilà. Il y a de la vie. Ouais, clairement, il y a de la vie. Après, est-ce que sur le jour J, ça donnera ce qu'il faut, etc. Je pense qu'il y a encore plein de choses à bosser d'ici l'année. Mais en tout cas, voilà, je sens une équipe qui a envie de jouer ensemble et je pense que c'est ça le plus important. Oh, elle est belle, cette réponse. C'est beau. Ok. Je fais de la com, non? C'est ça. Bah, je crois que tu vas finir par continuer par répondre à toutes les questions. T'es bien lancé là. Fox, tu poses la question suivante? Ouais, question de Pilaf pour Maël. Est-ce que t'aurais préféré jouer avec les Dulac? Alors, bon, non, pas plus que ça. J'aurais préféré que William réponde. Pardon, Arti, t'as dit quoi? Comme j'aurais bien aimé préserver la cohésion de l'équipe, j'aurais préféré que William réponde, tu vois. Ah, d'accord. Bon, ben Willem, vas-y, réponds à ma place. Non, je crois qu'il a dit qu'il était vraiment très heureux de son équipe et que pour rien au monde il en aurait changé. Oh là là. Voilà. Oh, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau quand même. Il a dit qu'il aurait quand même aimé qu'on fasse des meilleurs résultats. Ça, je m'en rappelle, ouais, c'est vrai. non, personnellement, quelle que soit l'équipe, en tout cas, il fallait diviser par deux, que ce soit les du lac ou que ce soit avec qui j'étais, ça m'allait très bien, perso. Ok. Ce qui a été fait au niveau de l'équipe, ça a été de mettre et Willem et du lac dans une équipe séparée, afin qu'il y ait le reste de l'équipe qui était déjà plus dans le, comment dire, de la dynamique, afin justement de les entraîner et de d'avoir cette cohésion, en fait. Et ensuite, la roue est intervenue. Eh ben oui. Ah, il fallait répartir la chatte, quoi. La chatte et la kienne. Ouais, je comprends. Ça aurait été mieux. Voilà. Bon, bah, on en a fini pour les questions concernant l'European Online. Bon, bah, bonsoir. non, mais c'est pas fini. Attends un peu. T'inquiète pas, il y en a d'autres. Mais là, maintenant, pour le coup, on va passer aux questions concernant directement l'Euroball. J'ai pas corrigé les fautes de Pilaf. Tech. Ça fait rien, on les voit. Ah, si, on les voit. Ben oui, si, je les affiche pour qu'on sache de quoi vous parlez quand même. Tech, la nouvelle question. Vas-y, Fox, je te laisse la lire, celle-là. Oh, punaise, c'est mal placé. Selon votre état de forme actuel, vous seriez à quelle place si l'Euroball avait lieu le prochain week-end, ce week-end? Guillaume, je t'en prie. Dans une chaise roulante. Mais non, on a dit ce week-end. Mais il a une jambe en moins quand même déjà. Je suis pas encore en grande forme, ouais. Mais... Non, selon moi, je pense qu'il y en a qui sont... je pense plus aguerri à l'heure actuelle. Je pense que par exemple Mathieu Silcoun a besoin de trouver ses repères, donc c'est clair que pour lui c'est là où ça va être le plus difficile. Pour les autres, je pense que Arti, bon, il nous a fait une tentative de roster qui s'avère pas concluante, mais est-ce que c'est le roster ou est-ce que c'était les matchs? Parce que c'était Arti. On se répète de joueurs aussi. Hein. Voilà. Peut-être le joueur aussi. Mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui sont en forme en ce moment. Donc, et puis même Arti, je pense que c'est une question de test de roster aussi. Donc je vois des joueurs qui sont quand même assez aguerris actuellement. Ouais, mais là c'est plus. En fait, je pense que la question portait surtout sur plus vu ce que vous avez fait à l'European Online, d'après vous, quel est votre état de forme actuel, c'est quoi la place où est-ce que vous situeriez dans le classement, quoi? Voilà. Bah c'est un pari, hein. Non, mais on est d'accord, c'est un pari. Au doigt mouillé. Ce que je voulais dire justement dans ma réponse, c'était que, à mon sens, vu qu'il y a deux joueurs qui sont un peu plus incertains, Kevin et Mathieu, sur ce qu'ils vont pouvoir faire ou aligner comme roster, je dirais que si on prend ceux qui ont trouvé leur roster, c'est le haut du tableau. Et donc, ouais, il faut juste voir les petites incertitudes sur le troisième joueur qui arrivera, enfin le troisième, l'autre personne qui me remplacera aussi. Mm-hmm. Mais je pense qu'en tout cas, il y en a pas mal qui sont en bonne forme. Ok. Et puis qui jouent, surtout c'est ça. Enfin, je pense qu'on le dit régulièrement que c'est en jouant qu'on se sent bien. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont actifs dans l'équipe. Donc, à mon avis, la place serait assez bonne si on avait un peu le tout. Alors, question pour Widem, tu bosses pour quel parti politique? Écoute, je suis plutôt orienté. Rien du tout. C'est les Suisses, ça. C'est les 4 années passées en Suisse qui m'ont vraiment. Qui m'ont changé, quoi. Ouais, en tout cas, effectivement, si tu bosses pour un parti politique, dis-nous, parce qu'on écoutera leurs réponses avec plus d'attention la prochaine fois. Ouais, non, mais là, il y a... Il est magique. Franchement, laisse ta carte, je pense. Hein. S'il y en a qui veulent chercher un communicant, hein, il est dispo. Ah non, on le garde. Si, là, si je me rappelle, la question, quand même, au début, c'est pour avoir un chiffre, quoi. Ouais, et moi, j'ai. Hey, il a pas réussi à me le donner, hein. J'ai essayé, mais. Au final, il n'y en a pas, hein. Allez, je me mouille, je dirais que c'est un podium. Tu vois, il n'y a toujours pas de chiffre, mais c'est un podium. Et le truc, c'est que non seulement il donne pas de chiffres, et en plus on est content. Ah, je vais pas vous forcer à me donner un truc, hein, si vous voulez pas répondre, vous répondez pas, tant pis. Après, ben, Moi je te dis, objectivement, je pense que je te dis qu'à l'heure actuelle, pour moi on est quatrième. Mm-hmm. Ah, je réponds, c'est 5. Et il y en a une grosse marge de progression. Sachant que si on prend les résultats de l'Open, on est premier ex aequo, hein, donc c'est... j'essaie d'être objectif. Ouais. Et on a une grosse, et on a une grosse marge de progression, sachant que typiquement, on a tout changé de roster la veille pour le lendemain, donc on est... il y a du boulot, quoi. Ouais. C'est étonnant d'ailleurs donc... ce que tu dis là sur cette histoire de d'être premier ex aequo, parce qu'effectivement, bon, donc tu dis, c'est quand tu prends les résultats des autres équipes. Tu nationales. Prends, si tu veux, tu prends par exemple l'Allemagne. Leur équipe, elle a été divisée en deux. Mmh, mmh. Tu prends les Italiens, c'est pareil. Ouais, tu prends et en fait, tu prends les équipes, tu les additionnes et tu vois. Et en fait, le truc qu'il y a, c'est que tu vas voir que, à part nous et les Italiens, qui arrivons à avoir deux équipes très bien classées, les troisièmes, c'est les Anglais. Et les autres, en fait, ils ont une équipe qui est bien classée et la deuxième qui est milieu de tableau, en fait. D'accord. Et c'est ça qu'il y a dans à peu près toutes les équipes européennes depuis des années, c'est que tu as 4-5 excellents joueurs et 2-3 joueurs avec un niveau intermédiaire au-dessous, en fait. D'accord. Et c'est dur pour un pays d'avoir, d'avoir 8 joueurs de très haut niveau. Mmh. Voilà. Donc voilà. Ok, d'accord. Non, mais c'est intéressant, c'est surtout ça que je voulais dire, quoi, de voir qu'effectivement, ouais. Ça avait été compliqué pour tout le monde, quoi, finalement. Si on parle du principe, le niveau est propre. Hein. Voilà. Le niveau était très bon. Hein. Mmh. Ok. Question suivante, Nicodaz. Au vu des résultats de l'ensemble des équipes françaises de ce tournoi, envisagez-vous de réajuster les rosters, voire les coachs de l'équipe de France pour les mois à venir? Alors bon, j'ai envie de dire que vu la bombe qui est arrivée avant, oui. Pour le coup, j'avais déjà apporté la réponse. Mais s'il n'y avait pas de bombe, ça serait non. Ouais, s'il n'y avait pas eu, s'il y avait pas ça. Si Guillaume, il nous lâchait pas comme pour un genou, quoi, on bougeait pas l'équipe, quoi. Alors, ce serait non au niveau des coachs, mais la question de Nicolas, c'est aussi au niveau de réajuster les rosters. Ouais. Bon, ça, on les a pas. On n'est pas clair sur ça. Oui, les rosters. Ah, je pense que Arty, par exemple, si, t'aurais modifié ton roster 1v après ça, non? Hein? Oui, clairement. Oui, d'accord, ok. Dans tous les cas, on avait deux Sylvains, hein, donc forcément, ouais. Il y allait avoir un ajustement. Il y allait avoir un ajustement, mais ça, c'est évident, effectivement. Fox, je te laisserai poser la question suivante. Sinon. Oui, encore une question de Pilaf. Oui, mais il y en a plein de questions. Ah merde, j'ai pas tout lu alors. Suite à ce tournoi, quel changement dans votre... C'est compliqué. Pardon, excusez-moi. Suite à ce tournoi, quel changement dans votre roster envisagez-vous de faire? Le pire, faut le traduire d'abord. Hein. Ouais. C'est surtout la deuxième partie de question, je pense, qui est intéressante, puisque là, la première, on a déjà un petit peu parlé, mais... Par exemple, pour Kevin. Oh là là là. Là, là, là. Clairement, moi, j'ai fait des tests sur le... Sur roster MV, je pensais que Yvan, c'était une bonne idée avec son 4 de force, son tackle, ça crée des choses à faire, mais ça déstabilise un petit peu trop le MV, et pour avoir refait des matchs MV classiques, ça fait du bien en fait, c'est vraiment un très bon roster. Que je vais rester en classique, je vais voir ce que ça donne dans les petits matchs qu'on va se faire en interne, et aussi sur les déchus. Mais je pense qu'en fait il n'y a rien de bougé, quoi. Il est très bon comme il est, le roster MV. Très bon comme il est, pas avec Yvan. Le classique. Le classique. Ok. Très bien, j'ai peut-être pas suivi ça. Ok. Le classique avec 4 ghouls. Ouais, plus 4 ghouls, ouais. 4 ghouls, ouais. Ouais. Bah, notamment pour savoir quand je joue MV avec mes Nanduks. Quand je joue Ménadieu et que j'affronte BMV, oui. Qui va me faire chier, ça va être ses ghouls. S'il en a que 3, je sais que si j'en pète une, ça devient compliqué. S'il en a 4, faut que j'en pète 2. Et mine de rien, c'est parce que c'est de l'armure 7 Tac Chatain que ça saute dès qu'on les touche, quoi. Sinon, il n'y aurait plus de Sylvain. C'est vrai. Donc, avec 4, je sais que je peux en perdre une. J'ai quand même du mouvement. Avec 3, c'est beaucoup plus limité. Et puis surtout, le gain que j'ai en me passant d'une goule compense pas la perte de la goule, pour moi. Après, peut-être que je vais essayer et que je vais pas réussir. Hein. Mais j'avoue que j'y crois pas là-dessus. Fox, ta deuxième partie de question. Il n'y avait pas de deuxième partie de question. Tu n'avais pas. Quel roster vous fait peur et quelle nation? Tu l'avais pas cette partie-là? Ah non, j'ai pas ça. Ah bon. Mais il est censuré en plus, c'est moche. Il en pose trop, c'est en pose trop. Alors bah chacun l'un après l'autre peut-être ou. Bah allez. Mathieu, à toi. Merde. moi, en termes de nation, bon, on les connaît tous. Il n'y a pas grand monde qui fait peur. Je pense qu'on peut battre tout le monde. Donc, j'ai pas particulièrement peur. En termes de roster, le plus d'appréhension ça reste l'elfe sylvain, parce que c'est par excellence le roster qui te fait de la magie tout le temps, quoi. Donc. Après en EPL drill t'as de quoi répondre quand même, mais c'est vrai que ouais, mais contre tout le monde, contre tout, c'est, et l'EPL drill est le même problème qu'un sylvain, c'est, ça fait de la magie mais c'est un peu plus compliqué à la mettre en place. L'elfe sylvain, n'importe qui prend en main et qui a un bon niveau peut te faire de la magie en 2 secondes et tu fais et mince, voire même son niveau. Ouais, alors faites gaffe quand même, parce que bon, je l'aime bien le pilaf et je voudrais pas qu'il tombe en dépression alors qu'il joue Sylvain en ce moment, hein, après son European justement online. Ah non, mais après, tel quel roster aujourd'hui, tu peux battre n'importe qui, tu peux te faire battre par n'importe qui. Oui, oui, tu peux aller dans les deux sens, on est bien d'accord. Quel que soit le niveau, je veux dire. Après, ça reste le meilleur roster. Hein. Ouais. Ça reste jusqu'à Double 2020, ils se prennent un petit coup. Et en gros, enfin de mon point de vue, mais. Arty, toi de ton côté alors, quel serait le roster ou la nation qui te fait peur? Les Suisses ont montré qu'ils avaient des gros joueurs, ça l'était déjà avant, ça continue à l'être. L'Italie est toujours très impressionnante, je trouve. Mm-hmm. Ils ont un style très agressif qui porte ses fruits. L'Espagne aussi a fait de bons résultats au dernier Euro. Ils ont failli être champions. Et les Anglais, comme toujours. Voilà, au niveau des équipes, c'est des grosses nations. Clairement, avec elles qu'on va s'arracher. Après, au niveau des rosters, je me voyais pas partir à l'Euro sans MV. Pourquoi notamment? Parce que les MV, je vois pas de roster où ils sont derrière. Mmh. En pire roster, je dirais peut-être les Hommes Lézards et les Sylvains. D'accord. Mais bon, c'est pas pour ça que les MV ont pas de solution en fait. Ah c'est non, pas c'est pas la question, mais c'est les plus compliqués en face. Pas derrière. D'accord. Ils sont pas derrière. Et toi, Willem, pour le coup? Moi, pour le coup, je dirais en nation, je vais pas redire la même chose, hein, on sait un peu ce qu'il en est. Pour les rosters, clairement NDC. Oui, ça, quand tu joues Amazon, oui, forcément. Ouais. NDC nain, ça peut picoter. Après, le traditionnel Elfe Sylvain, c'est certain. Ouais. Enfin, à un moment, ça te sort de. C'est pareil, hein, je parle en troisième, c'est un peu compliqué, mais ça te sort de la magie à tout moment. Donc ouais, voilà, je dirais essentiellement ça. Ok. Bon, ouais, merci. Avec plaisir. Question de Manx. Je vais la poser. Au vu des qualifs, pensez-vous intégrer des Turonavois pour être compétitif? Alors bon. Alors déjà, Turonavois, c'est moche. Je sais pas ce que. Après, on en a déjà deux. En tout cas, un et demi, si Odell ne compte plus. Je pense qu'il veut plutôt dire vraiment l'équipe des Turonavois. L'équipe des Turonavois, ouais. Après, avec les calculs que tu as fait, Maël, montrant que finalement vous finissez, si on prend l'équipe en entière, mais là, Ouais, là, je pense. Oui, non, c'est pour le DF, donc. Enfin, voilà, bon, la question. Bah après, disons que Si on est mon une équipe Justini on ne bourre pif. donne pas de tes membres, quoi. Comment? C'est Simon, Justi, Bourpif. Et j'oublie le dernier. Et je sais pas. Je sais plus non plus. Et Justi Bibi, bien sûr. et Bibi. Ah Bah, c'est pas compliqué. Notre Sylvain fait autant. Or, c'est pas. Tu prends Alex fait plus de points que Bibi en Sylvain. Donc non. On a un Sylvain qui performe autant. Justi, il a plus à Justicium voir. en NDC, c'est loupé. Donc, c'est pas possible. Simon humain, bon, si on dit à Ah, Clément qu'on le c'est vrai vire, si on dit à Clément qu'on le vire, on va en entendre parler pendant 20 ans. Peut-être que la question peut se poser là. Et effectivement, la question peut se poser. La question peut se poser, il faudra en parler à Clément. Faites gaffe, Et il va dire après, oui. et Bretonien, on a fait autant de points, et en plus, il est ceinturonne. Donc, Ah on bon. va pas changer. Donc la question se pose Donc, pas non, on est quoi, au bon. final. La question se pose pas. Ah, si, pour Clément, final. C'est pour Clément, d'accord. Donc, bon. Fox, tu poses la question suivante. Oui, de Justicium, niveau roster, avez-vous avancé? En parlant d'élimination, de validation de certains rosters. Ah, ouf, oui, je dirais qu'on a un peu reculé finalement. Oh. Ouais, Non, mais toi tu nous fais reculer. reculer, mais à côté Ouais, on a voilà, avancé. ouais, exactement. Dans le sens où il y aura des réflexions supplémentaires. Mais... Ouais, mais non, on a quand même placé Miata sur les Sylvains, où ça a été Ouais. confirmé. Sam Broto, c'est confirmé. Ouais. Clément Humain, c'est confirmé. Olivier, on attend qu'il se pète le genou et puis c'est bon. Donc, non, il y a quand même des bons trucs, Ah quoi. ouais. Il y a Moi, il beaucoup faut de jeux juste que qui je fasse sont avancés, l'épreuve ouais. enlevée. Il faut que Steel Kun, du coup, voit si les Amaz, ça, il y a la petite jupe qui va bien. Et surtout, il faut qu'on intègre un huitième. Enfin, Ce qui n'était pas trois, prévu. un quatrième, huitième, Sixième. je sais plus, c'est que j'ai perdu le compte. Ça. Ok, donc ouais, niveau, au moins vous avez, ben, finalement vous avez avancé, vous avez validé certains rosters en tout cas. Voilà, On a vous validé notre savez qu'est-ce. roster et éliminé Ça. notre compo. Ok. Du coup, question suivante. Alors, Toujours de Justi. Oui, vas-y. non, je, alors, attends, c'était la question de Justy. Ah, vas-y, vas-y. Ah, ok, je me débrouillerai. Ça Pas de suit soucis. un peu la Ouais, t'as première raison. question. L'objectif de créer un pool de roster cohérent est-il atteint avec les 8 joueurs présents? Avec un niveau d'expertise Euroball atteint par chacun des joueurs sur son roster. Pool de roster cohérent, oui. Avec un niveau Euroball, non. Ça tombe bien, on n'est pas encore On bon. est d'accord. Donc, un pool de roster cohérent, oui, et... Ok, d'accord. Donc, en gros, le nom... les joueurs, c'est bon, à un prêt. Maintenant, il reste Alors, à bosser, quoi. en gros, il y a un truc que vous savez pas. Voilà, au niveau des rosters, tout n'est pas validé. Par contre, on en a sélectionné 10 de rosters qui peuvent être jouables, qu'on considère comme étant jouables. Et sachant qu'on prendra 8 rosters sur les 10. Donc, en gros, il y a le Saurus, l'Elfe Noir, qu'on n'a pas parlé. Ouais. Elfe Noir, Saurus, Ninduk, dans les 3 qu'on n'a pas parlé. Et plus les 7 autres qu'on a parlé, qui sont les rosters sur lesquels on peut se positionner. Et on D'accord. en prendra 8 des 10. OK. Voilà. Donc on sait où on va au niveau roster. Par contre, on n'est pas au point. On est d'accord. Faut bosser. Très bien. C'est ça. Allez, je prends la question de Pilaf pour le coup parce que celle-là tu dois pas l'avoir, Fox. C'est une des questions qui m'est arrivée dans la journée. Auriez-vous aimé 1 euro au format saison 2 ou préférez-vous rester au format LRB? Alors il a mis 2016 mais pas du tout, c'est LRB 6. J'ai pas relu les questions, vous aurez noté. Hein. Voilà, donc Saison 2, c'est quoi? c'est le nouveau Blood Bowl là, c'est le Blood Bowl 2020. 2020. Ah, Tu préfères nouvelle le 2020. format. Donc à l'Euro Bowl, ils ont décidé de rester en LRB6 avec. Enfin, LRB, non, c'est vrai que c'est du LRB 2016, puisque t'as le LRB, mais bon, pas pour En an tout, hein, pas 2013. pour l'écrasement et tout ça, t'as quelques règles qui ont été modifiées. Donc effectivement, je comprends maintenant pourquoi sont LRB 2016. En gros, vous préférez Vous auriez préféré qu'ils passent à la nouvelle version ou on reste à l'ancienne et c'est très bien? Perso, j'aurais préféré qu'on passe à la nouvelle parce qu'on va tous jouer, on va jouer avec des nouvelles règles, on va être sur deux jeux de règles différents, sur le même jeu. Et à mon sens, faut que l'euro représente le jeu, donc à mon sens, on aurait dû changer les règles, pour moi. Si je parle pour moi, pardon, oui, Non, vas-y. Si je parle pour moi, en général, j'ai 2 ans de retard sur les règles, donc ça m'arrangeait assez bien que ça soit... Déjà, le LRV4, c'était compliqué. Alors, passer au 6, bon. Ok. Ouais, c'est ça. Si. Oh, moi aussi, je suis déçu, plus spécialement de la position de la NAF, qui veut contenter tout le monde, et du coup, elle cuit entre deux chaises en disant « on autorise tout ». J'aurais préféré qu'il prenne une position claire, en fait, soit 2016, soit 2020. Comprend après, au niveau orga, c'est dur pour eux de les mettre. Écoutez les gars, vous mettez en 2020, sinon non. Mais à la lecture, j'aurais préféré que la NAF dise « bah du coup, là, c'est 2016 ». Puis à la lecture de certains posts des orgas, j'ai quand même l'impression que la tendance, elle va vraiment être à une année qui va vite passer au 2020. Oui. Donc je suis un peu d'accord avec Maël sur le fait que ils ont voulu, enfin, et Arty pour le coup, c'est qu'ils ont voulu être le cul entre deux chaises, et au final, je pense que ça va pénaliser l'Eurobowl parce qu'il y aura plus de tournois 2020. De ce que j'ai lu, j'ai peut-être pas une vision globale, hein, mais de ce que j'ai lu, il y a quand même plus de tournois 2020 que de tournois 2016. Donc, ouais, sachant que les changements comme 2020 sont bons, sont plutôt équilibrés. On sait ce que ça fait au niveau des règles. Il y a juste le truc qu'il fallait enlever, qu'ils ont délibérément choisi de mettre sur l'euro, c'est les champions. Les champions de 2020, clairement, pour l'instant, pour moi, faut oublier. C'est pas fait pour du tournoi. Je suis pas d'accord, mais ok. les orgas de Varsovie ont décidé de mettre les champions pour tout le monde. Ils avaient envie de les voir. Donc clairement, je comprends leur réticence à passer en 2020. J'aurais été doublement content du coup de passer en 2020, moi. D'accord. Ouais, perso, j'ai pas de problème avec les champions. Mais même s'ils mettaient les nouveaux champions avec ou sans compétences, etc. Pour moi, il faut avancer avec le jeu, quoi, tout simplement. On représente le jeu. Je trouve ça bête que sur une année, on joue pas tous au même jeu, quoi. En fait, on est là pour jouer à Blood Bowl, on est là pour être tous ensemble, Euro Bowl ou pas Euro Bowl. Et en fait, là, ça va créer des gens qui vont faire. Typiquement, nous, moi, je me suis posé la question avec Mathieu de ne pas jouer à Blood Bowl 2020 pour pas engendrer des réflexes qui vont arriver et me faire avoir à l'euro parce que je pensais à Astroma, en fait. Et clairement, il y en a. Hein. Donc, je trouve ça bête. J'avoue que j'ai. Ouais, et clairement, il y en a. Je pense que je ne jouerai pas de Blood Bowl 2020, je pense. J'ai la même réflexion que toi, Maël. Puisque je vais aller à l'européenne, ouais. Fox, toi, ton avis, c'est quoi? Moi, j'aime beaucoup ces nouvelles règles. Je partage pas trop cet avis là. Je pense que les deux règles sont assez proches. Il y a quelques changements mineurs quand même. Le plus gros changement, c'est le coût des joueurs, des relances et tout ça. Je pense qu'on adapte encore mal. Ouais, ben j'ai testé quelques matchs et la situation m'est jamais arrivée. Des retours qu'il y a sur le forum France Blood Bowl, c'est un peu pareil après de ce que j'entends. Donc avoir à beaucoup plus jouer, mais je pense que le jeu qu'on propose maintenant en général, c'est un jeu plutôt attentiste, plutôt et ce genre de prise de risque, on le verra assez peu souvent. Je pense que le plus gros changement, ce sera le pouvoir utiliser plusieurs relances dans le même tour. Ah, ça c'est clair, ça va bouger. Mais après, faudra s'adapter. Donc ça sera pas pour l'euro, mais ça sera pour les tournois cette année ou à partir de l'année prochaine, parce qu'on va y passer de toute façon. Tout à fait. Ok. Bon, ben merci. On va en terminer avec les questions sur l'Eurobowl, là, pour le coup. Tac, tac, alors attends, est-ce que je continue? Non, on va passer aux questions individuelles. Tac. Alors, ça c'est pour tout le monde. Alors, c'est des questions individuelles, mais pour tout le monde. C'est novateur comme truc. Question de Fags. Suite à ce tournoi, pensez-vous faire des ajustements au sein des rosters ou changer de roster? Bon, alors ça, on va la passer, désolé, hein, voilà. Mais je pense qu'on a déjà répondu plusieurs fois à la question. Oui. Ah, je croyais qu'il était préparé l'interview, quoi. Je suis déçu. Oui, j'ai repris bêtement. J'avoue que j'ai repris bêtement les questions. J'ai pas. Voilà. Bon, bref. Et puis bon, j'étais pas préparé à la bombe non plus. Est-ce qu'on peut dire que c'est la faute à Silcoud quand même? Bien sûr, c'est carrément sa faute. C'est pour C'est qui trop évidemment. tard. On est tous d'accord. Fox, vas-y, Non, la question de Trambi. quel est votre ressenti des compositions de vos équipes? Ça, on a un peu répondu aussi. On a un peu répondu, ouais, effectivement. En plus, je Ouais. les copie-colle sans les lire. Attends, quels sont pour vous les ressorts faciles à affronter pour vos rosters? Elle est difficile. Ouais, mais enfin, bon, ils ont juste posé toujours les mêmes questions et puis ils sont répartis, quoi. On va poser aux questions de Arty. Pour Arty, pardon. En plus, il y en a une des miennes, donc c'est très bien. Même si on a déjà la réponse. Hein. Alors, Trambi, première question. Avec ces 6 matchs, comment estimes-tu le rapport performance-prix d'Ivan? Et ma question, ton ressenti sur Ivan, est-il vraiment si terrible que ça? Alors oui, Yvon est terrible, il est vraiment, il n'a pas vraiment quelque chose au roster, notamment le Force 4. Par contre, il coûte trop. C'est-à-dire qu'il déstabilise le roster MV. T'es obligé en fait de bien le protéger avec des momies de l'encadrer pour qu'il puisse garder la mobilité. Là où un ancien CTEC avec son esquive en force pouvait plus facilement rayonner, était plus facilement Sûr. Utile seul. Là, tu dois le garder dans le groupe. Tu dois déjà protéger Yvan pour le garder mobile, du coup tu peux bon protéger les ghouls, enfin voilà. C'est pas évident à garder en termes de cohérence. Et du coup aussi, sur tous les mouvements un peu critiques, déjà un, t'as moins de relance, sauf salopard et solitaire, et tu te retrouves souvent un peu sec. En plus, au niveau de la compo, je l'ai fait vite fait, j'aurais dû mettre des squelettes, notamment pour compenser la partie mouvement. Et puis vu les armures que je me suis pris, de toute façon, je me serais fait table rasée dans les deux cas, donc... Donc voilà, ils vont s'être testés. Le but de ce tournoi, c'était vraiment ça pour moi. J'ai mon opinion dessus, et puis du coup, je vais le remettre sur son étagère. D'accord, je peux comprendre. J'avoue que entre Ivan et CTEC, moi c'est pareil. Je jouais pas avec des MV, hein, mais quand j'étais, c'est que j'ai vu. Enfin, Non, CTEC mais est un cran au-dessus, pour l'idée moi. était vraiment de regarder au Ah niveau oui, il fallait des tester. champions comment on pouvait bouger le roster. Ça a été fait avec Graal, ça a été fait avec CTEC, ça a été même fait avec le zombie agression. Voilà. C'est On testé. a vu, on a testé, puis on fait, bah en fait le classique c'est bien quand même. C'est pour ça qu'il est classique, Mais quoi. c'est ça, voilà, c'est pour ça qu'il est là. Après, ça permet de trouver des choses, hein. Le classique NDC, qui est maintenant plutôt classique sans le minot, première fois que je l'ai joué, j'étais un hérétique. Maintenant, quand on regarde les compos des NDC, on refait beaucoup de minots. Ben justement, Hein. tu fais la tu me permets de faire la transition avec la question d'après. Question de Timbure. A posteriori, face aux mêmes adversaires, est-ce que tu aurais préféré jouer tes nains ducs? Alors c'est plus facile de jouer en infériorité numérique avec des MV qu'avec des nains Certes. ducs. Donc oui, les nains ducs, c'est un ressort que je maîtrise. Donc forcément j'aurais été plus à l'aise. Mais c'était pas mon but dans ce tournoi. D'accord. Mon but c'était vraiment de pousser, de faire mes premières armes tout simplement avec ces techs. Donc voilà, le tournoi a rempli son but. Et l'autre problème avec les Nanduks, je trouve, c'est que c'est un roster qui a besoin de stabilité. Ça se voit au niveau des combos que j'ai rajoutés, dans la finesse de garde, châtaigne, bloc. Mais du coup, les champions, notamment le fait que les tiers 1 aient accès à des champions, rend difficile la maîtrise du jeu. Quand t'as une Roxana, quand t'as des joueurs si puissants qui peuvent faire le jeu à eux seuls, les nains ducs peuvent pas équadriller le terrain pour contrôler en fait le jeu et pouvoir répondre efficacement à la menace d'une star. sur mon point de vue. Ouais, je comprends. Bon, je jouais un duc un petit peu là sur des tournois dernièrement. J'avoue que c'est. Je comprends tout à fait ton point de vue. Ouais. C'est pas simple. On passe aux questions pour Willem, Fox. Oui. Question de d'Obsidian. Ah. Alors Fumble, c'est compliqué de s'y mettre. Ouais. Concrètement, je crois que le pire, ça a été vraiment le. Avant le tournoi, j'ai dû faire trois matchs avec. J'en ai fait trois ou quatre, je ne sais plus, avec Clem, Justy et Olivier. Et je crois que le pire, ça a été avec Olivier, où on a fait un match, et il me dit, mais en fait, là, il y a un énorme trou, et je me rendais pas trop compte que sur le côté, la limite du terrain faisait que mes joueurs n'étaient pas protégés. Donc oui, mise en route un petit peu difficile. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça. On ne peut pas se cacher derrière le fait que ça soit que fumble. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai pas joué depuis un an. Ça n'a clairement pas aidé. Donc, oui, pas facile fumble, mais je pense qu'il n'y a pas que fumble. Ok. Et autre question de Tembur. A posteriori, face aux mêmes adversaires, aurais-tu préféré jouer tes nordiques? C'est difficile à dire. Disons qu'il y a quand même deux ou trois matchs, deux sur trois, je ne sais plus, où je finis vraiment à moins 4 ou moins 5 avec les KO qui ne rentrent pas. Donc forcément, l'impact physique avec mes Wolves, le Yeti n'aurait pas été le même. Donc en jouant du léger, forcément, j'aurais pu avoir quand même un impact assez intéressant. Maintenant, j'ai quand même joué mon Mighty qui n'a pas fait beaucoup de sorties. Forcément, j'ai trois fois plus de matchs en nordique qu'en Amaz. Maintenant, Roxy, elle m'a quand même fait le boulot. Donc non, très content d'avoir joué avec mes Amaz et Roxana parce qu'on était aussi dans cette optique de Roball où je me voyais nettement plus jouer les Amaz que les nordiques. Ok. Bon, elle m'a aussi fait des double 1, ce qu'elle m'avait pas fait à la Coupe du Monde. Donc. Une question de Fredao. Comment peut-on être aussi bon au Blood Bowl et aussi sympa? C'est souvent inversement proportionnel. Ah ouais, c'est une excellente question. Je pense que on peut être limité dans les deux. Donc, je ne sais pas si je suis si bon au Blood Bowl. Comme mon ami Nox le dit régulièrement, je me place souvent comme le meilleur huitième homme, donc je pense pas du tout être un leader dans l'équipe pour les points sur les gros rosters, etc. Par contre, je pense que je peux apporter en huitième homme ou en sixième homme sur des coupes du monde. Et sympa, bah, j'en sais rien. Et je me suis fait reprendre sur le forum parce que j'ai pas été sympa une fois, donc pour le coup, c'était. Si tu t'es fait reprendre qu'une fois sur le forum, ça va, c'est que ça passe. Bon, en même temps, c'est proportionnel au nombre de posts que je fais aussi, donc. Ouais, c'est ça. Ah non, tu bon, c'est marrant, c'est que Thomas m'a pas donné du tout la même chose. Pardon ? On a parlé ensemble. Vas-y, Kevin. Non, je disais à Willem, même quand tu parles pas sur le forum, des gens peuvent te faire parler et tu te fais agresser à cause de ça. Hein. Ça veut rien dire. C'est pas faux. Et ben, faut que tu saches quand même que Nox, il t'a vendu comme côté As, il t'a vendu, mais comme t'imagines pas. Hein. T'étais Dieu, il nous a vendu comme si t'étais Dieu. Hein. C'est parce donc, que... pas au huitième homme. Hein. Ouais, mais donc... c'est parce qu'après les World Cup, il n'en pouvait plus, mais bon. Mais voilà. Comme quoi, vous êtes bien fait avoir. Ça arrive d'avoir un week-end de chatte. Hein. Ah oui. Oui. Même si le week-end était long. Pour le coup. Comme tu dis, ouais. J'ai posé des questions pour Maël. Alors, Maël. Et en plus, c'est en anglais, donc je vais t'éviter ça, Fox. Elven Union is a new Wood Elf? Pas du tout, non. Non, pas du tout. L'elfe Sylvain reste meilleur. Si t'as pas Eldril en Elfe Pro, t'y es pas, quoi. T'es clairement tout. C'est Eldril qui fait que l'elfe est bien. Donc, va falloir voir si on le garde. J'avoue. Et vu qu'on a des joueurs fragiles, on peut aller vite. C'est ça. Mais voilà, si on repère les champions, l'elfe pro retournera où il est, quoi. Sans méchanceté. Ah ouais. Après, alors que personnellement, je préfère l'elfe pro à l'elfe sylvain. Mais... Ouais. Faut être réaliste, pas assez de comp fait que c'est moins viable, moins fiable. Oui, c'est sûr. Ouais, bah, tout à fait. Enfin, je pense comme toi, mais peut-être que. Enfin, je sais que Nîmes avait bossé pas mal les elfes pro sans champion, sans Eldril et tout ça. Faut que je vois ça avec lui, comment il s'en était sorti. Il avait eu des pas mauvais résultats, mais bon, pour moi, je suis d'accord. Mais après, peut-être que j'ai raté une façon de jouer. Mais que ce soit Eldril ou Hubris, hein, Fox, tu me confirmes que Elfe Pro avec Hubris, c'est sympa aussi. Oui. Voilà, il y a d'autres façons de jouer, mais c'est clair qu'il leur manque un petit truc pour être vraiment, vraiment au top. Je suis d'accord. Question de Pilaf, mais tu n'es pas obligé d'y répondre, hein. Je t'en voudrais pas. Quel effet cela fait de battre le meilleur elfe pro français? Alors je vais te poser la question, quel effet ça fait de perdre 253 points naf en 2 secondes? J'ai jamais eu 230. Ça fait pas grand chose. Bah, moi, si tu veux, c'est d'avouer qu'on avait déjà fait perdre beaucoup à un moment à la dèche, donc ça va, je le vis bien maintenant. J'ai survécu à ça. Non mais moi dans tous les moi il y a pas de souci tant que je joue pas contre Pilaf ça va moi n'importe qui après il y a pas de souci pauvre Pilaf hein. Personne ne l'aime mais attends les deux fois où j'ai joué contre lui les deux fois il m'a fait la misère quoi. J'ai fait deux non parties avec lui c'était magique ah bah écoute ça fait un cercle alors parce que c'est pareil moi de... je le défonce par contre il a du mal contre moi. Ouais, mais voilà, mais c'est ce qu'il faut. On parle toujours de mais football, bon, on est comme ça. Les deux dernières questions, enfin, sur ce, les deux dernières questions individuelles sont pour... Pas que, Kevin. sont pour Silcoon, mais je vais poser à Fox pour le coup. Oui, parce que j'ai les réponses. Et voilà, parce que oui, ils ont travaillé, pour ceux qui nous écoutent, ils ont travaillé les questions, hein, ils ont travaillé les réponses et tout ça. Même si je suis pas sûr qu'ils se rappelaient vraiment des réponses qu'ils avaient données. As-tu placé un plateau de jeu à côté de ton clavier pour t'entraîner à avancer le marqueur de tour? Alors la réponse de Silcoon, pendant les matchs non, mais par contre, juste après les matchs, j'ai très souvent un tapis et des figues sur la table pour reprendre et analyser certains placements ou actions qui auraient pu être optimisés. Du coup, ça répond pas du tout à la question. Ça répond pas vraiment par rapport au pion tour, mais bon, moi c'est que... Silcoon est suisse et il a une voix beaucoup plus douce. Ah, merde. Et surtout, il répond jamais à la question, donc ça colle bien. Ça colle bien. Bah, elle est suisse. On a vu avec Willem que c'était un peu pareil. Hein. Et la deuxième question de Trambi, mais je pense que c'est la même chose. Ah non, c'est. Quel est votre ressenti? Quel est ton ressenti des compositions de vos équipes? C'est peut-être plus les équipes des 4 et 4, quoi. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il entendait par là, pour le coup. Il a répondu, Silcoon, là, ou pas? Ouais, il a répondu, mais il a répondu par rapport à son roster. Ah, par rapport au roster. Par rapport à son roster, il dit que par rapport au roster Sylvain qu'il a joué, le roster Dext n'est plus adapté à son jeu. C'était un héritage de la World Cup où on avait plus de comp, donc 7 au lieu de 7, et il s'est intégré mieux dans l'équilibre de l'équipe. Il lui faudrait un bloqueur de plus dans l'équipe, donc un 3 quarts lutte et un 3 quarts bloc. Il dit qu'il garderait aussi le 3 quarts esquive, qui correspond à son style de jeu, pour s'en servir comme point d'appui et pour rajouter de la mobilité. Et ensuite, il dit qu'on n'a pas le droit de jouer à deux elfes Sylvain, donc il laisse sa place à Alex, qui est meilleur. Ok, très bien. Bon, on a fini avec les questions individuelles. J'ai une toute petite dernière question concernant le Tour de France. Et puis après, ce sera bon. C'est moi qui la pose, cette question. C'est: que pensez-vous du Tour de France? Et quel est votre avis sur ce qui, au final, vous demande quand même beaucoup d'investissement et de temps? Oui. Alors là, c'est pour chacun d'entre vous, donc Fox aussi. Hein, perso, je trouve que c'est Fox a eu une super idée avec ça. C'est super de pouvoir... Tulkas a eu l'idée. Ouais, en tout cas, c'est vous l'avez mis en place tous les deux, donc je veux dire, c'est l'idée qu'il y a eu, elle est super. C'est plus compliqué, mais en fait, au final, c'est des rythmes qu'on doit prendre, donc c'est pas grave. Mais je trouve que l'idée est super, ça permet de communiquer sur l'EDF, ça permet de faire vivre France Blood Bowl qui a tendance à vite mourir, entre guillemets, ou faire que du que raconter n'importe quoi. Donc c'est, moi je trouve que l'idée, l'initiative et l'idée sont intéressantes et super intéressantes en fait. Et après nous, ça nous fait des matchs contre des gens qu'on n'aurait pas joué et que donc c'est toujours bien. Ça permet aux gens de jouer, ça permet voilà, après voilà. Ok. Et ça nous permet de nous remettre à notre place aussi. Bon, ça va pour l'instant. Non mais c'est vrai, non mais oui, non mais quand on fait de la merde, ah bah, ça, oui, ça nous permet de nous remettre à notre place aussi. Et c'est bien. Non mais c'est important. Ah oui, bien sûr. Donc ouais, pour reprendre ce que disait Maël, très bonne initiative, j'adore. C'est une porte sur l'EDF, c'est un moyen de créer de l'activité, de la visibilité, de mettre tout le monde dans la boucle. C'est vraiment top. Et merci aux gens qui s'investissent pour organiser ça, pour suivre ça. Et à tous les gens aussi qui nous suivent, parce que ça fait plaisir en fait. Et puis ça nous permet aussi en interne d'avoir ça crée un rythme en fait. Puis du coup, on s'est aussi greffé à ça pour tester des trucs, pour voilà. Donc il y a une vraie dynamique qui s'est créée. Si c'est pas grâce à ça, en tout cas, ça contribue à la dynamique. Donc très très serviable, très agréable. Très que spectateur, mais je trouve que vraiment c'est top. C'est top pour l'interaction, comme le disait Maël, parfois c'est un petit peu mort. On a pu reprocher à cette équipe de parfois manquer un petit peu de com, mais je trouve que cet événement, c'est juste parfait pour montrer la visibilité, pour échanger, pour faire interagir tout le monde, toute la communauté. Donc, je pense que ça peut être une idée à reproduire clairement pour les prochaines EDF qui seraient juste top. Oui, Fox. Ils ont très bien résumé ce que je pense. Du même avis. J'ai pas grand chose à rajouter. Mais... Et est-ce que vous débriefez les matchs après ? Est-ce que vous les regardez et puis après ça vous permet peut-être d'avoir matière à débrief ou pas trop ? Ou ça fait trop c'est de matchs, je veux dire. Pire que ça. Ah, c'est pire que ça. Non, c'est pire que ça en fait. Suivant les match-ups, suivant si on le connaît bien ou pas. On fait déjà un match avant contre le roster pour D'accord. Donc il y a un joueur de l'équipe qui va faire un pré-match pour justement qu'on voie les pièges entre guillemets donc plus un match constructif que chercher un résultat. Bon, à la fin ça finit toujours à la guéguerre, qui c'est qui gagne, mais ça c'est notre problème. Mais au début ça reste constructif, on va dire. Ouais. Et il y a ou pas, ça dépend le temps que les gens ont, dans la théorie, il y a un débrief derrière, qu'on ait gagné ou qu'on n'ait pas gagné, ou qu'on ait fait match nul ou qu'on ait perdu, il y a un débrief derrière pour voir où c'est qu'on fait des erreurs, pour avoir une vision extérieure. D'accord. Donc voilà, donc à la base c'est ça. En tout cas, ça a été quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Au tout début, il n'y avait rien. Et en fait, après, ça dépend surtout des disponibilités des gens, etc. Parce que donc déjà, si on arrive à en faire soit l'un, soit l'autre, c'est bien. C'est pas mal. Ok. Voilà. Moi, je rebondis sur la deuxième partie de la question, sur votre avis sur ce qui, au final, vous demande du temps. Franchement, je trouve que dans cette équipe, il y a des acharnés, en fait. Donc, ils demandent qu'à jouer à Blood Bowl. Donc, finalement, encore d'autres initiatives qui demanderaient encore plus de matchs. Je suis sûr qu'il y en a qui seraient encore plus disponibles. Ouais, mais Arty, le problème, c'est qu'il dit je suis dispo dans 2 minutes, là. sur Discord. Je peux aller manger, mais dans une demi-heure, ouais. Écoute, pourquoi pas. Je note. Ok, très bien. Et j'avais juste une autre question, mais je me rappelle plus ce que c'était. Parce que c'est pas du tout écrit, c'était comme ça dans le live là. Pour les entraînements, vous êtes plutôt enchaînement de matchs. On fait 100 matchs hein, dans le mois et puis on s'entraîne. Ou révision de certaines phases, de certains points, de. Tiens, j'ai fait ça en attaque. Est-ce qu'il faut pas le refaire? Tu vois, je bosse sur sur des, pas des phases arrêtées, mais des phases de jeu que tu estimes avoir ratées ou qui auraient pu s'améliorer et essayer d'analyser le meilleur ou voilà ou enchaînement de matchs et puis en mode acharné là comme disait Willem quelque part hein, voilà c'est quoi qu'est-ce que c'est quoi votre façon à vous de vous entraîner? Je pense que c'est personnel hein, donc Ça va dépendre des joueurs. ouais, voilà, Ouais, non, ça va dépendre des joueurs. mais toi par exemple toi qu'est-ce que tu Si le préfères? Kun. Hein ouais si Kun vas-y. Sais pas. Si le Kun, je sais que je vais te dire qu'il va faire de l'analyse. Tu lui donnes un match, il va passer 10 ans à analyser son match. Ça, c'est. Et il va t'expliquer à la fin. Si tu veux, à la fin de l'Euroball, j'ai fait 5-1-0, il fait 3-2-0, une histoire comme ça, ou 3-2-1-1, je sais Ouais. plus. Et il m'a expliqué que il m'a expliqué et prouvé qu'il méritait mieux que moi d'avoir fait mes résultats. Donc, j'ai eu plus de chance que lui, on est d'accord, mais il m'a expliqué que j'aurais peut-être pas dû gagner, ce qu'il avait raison. Par contre, que lui, il aurait dû gagner. Et là, tu fais, mais faut arrêter, quoi. Donc voilà. Donc Mathieu en est là. Moi, je suis une personne qui prend du recul. Je joue mon match et je le regarde pas pendant une semaine. Et après, j'en parle avec les gens. Typiquement, y a souvent, ça a souvent été Clément, etc. J'appelle quelqu'un, je fais, vas-y, on prend mon match et tu me parles de mon match pour avoir un autre point de vue, en fait. D'accord. Parce qu'on fonctionne tous avec un point de vue et en fait, Il est biais. on s'en fout qui a raison ou pas raison. C'est juste savoir comment l'autre y pense. Parce que c'est, à mon sens, le plus important dans Blood Bowl, c'est d'anticiper ce que va faire l'autre, donc comment il pense. D'accord. Voilà. Je prends dans l'ordre Kevin? Fox. Ah, ou Artie, oui. Oh, pareil. Ouais. Si vous pouvez répéter la question. Comment tu préfères t'entraîner? En enchaînant les matchs ou en bossant certaines phases en particulier? Ça dépend de mon niveau de maîtrise du roster. Clairement, sur le MV, je suis pas à un niveau que j'aime. Donc, j'ai plutôt enchaîné les matchs parce que j'ai besoin de que ça rentre. Par contre, sur des matchs comme les Nains du Chaos, comme les Elfes Noirs, je vais plutôt avoir tendance à faire un match et à l'analyser. Après, je n'ai pas forcément non plus trop de temps pour les analyser. Mais ce que je fais en tournoi, par exemple, c'est qu'en général, quand je finis un match, je ne bouge pas de ma place et je revois en fait le match. Et je trouve au moins un point où j'ai mal joué. Où le choix que j'ai fait n'était pas le bon. Quel que soit le D'accord. résultat de dé. Ah oui, c'est pas la question. Mais... Ok. Voilà. Donc suivant le niveau de maîtrise du roster, soit des matchs pour acquérir des bases, soit quand le niveau est un peu plus élevé, on affine. Attends, ça veut dire qu'on va devoir attendre pour que tu nous serves des bières après les matchs? Le temps que tu analyses et tout, et nous on veut des bières quoi. De soucis. Il peut faire les deux en Je même suis temps. déçu. Il peut faire les deux en même temps. Il n'y a pas de problème. Ah non, je vais avoir deux châtaignes, je vais tableau raser l'adversaire, puis après ce sera plus facile quoi. Voilà. Je vais t'apporter des bières. Willem, Fox, lequel des deux? S'il y en a qui. Vas-y, William. Ah, moi je dirais que j'ai apprécié notamment des échanges avec Fox sur justement reprendre certaines phases. Pour autant, je dirais que je l'ai pas assez fait. Et puis, alors, malheureusement, le volume, moi, j'y arrive pas. La dispo est pas possible, même si j'ai plus joué là ces derniers temps. Mais je pense que c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, je pense que ça pourrait valoir le coup de refaire un peu plus de phases. On a parlé justement tout à l'heure en début de diffusion de cette partie one turn, anti one turn. Je pense que c'est des choses où, après, c'est difficile à faire. Je pense que ça vaut le coup de travailler des phases aussi quand il y a un regroupement physique, où là, ça peut être sympa d'en discuter tous ensemble. Après, ça peut être bien de le faire à deux aussi. Donc, ouais, personnellement, en tout cas, je pense que ça vaut le coup de travailler certaines phases et d'en discuter plus que d'enchaîner les matchs, même si c'est important de faire des matchs aussi. Mais je pense qu'on travaille encore plus sur de l'arrêter. D'accord. Et Fox, ta préférence? Ben, moi, je préfère regarder des matchs. Regarder des matchs, je regarde pas mal de matchs en vitesse rapide et après je m'arrête et je repasse les trucs que je comprends pas en cherchant pourquoi le joueur a fait ce choix-là. Toi, c'est Parce plus que je. l'analyse, mais d'autres matchs en fait. pour le ouais, coup. Les miens aussi, bien, mais c'est plus dur de juger les siens parce que je trouve que tu as la même façon de penser. Donc, oui, oui, t'as forcément oublié. Tu dis j'aurais pu faire ça au lieu de ça, mais au final, tu sais pas si c'est compliqué de juger si c'est mieux ou pas. Ouais. Parce que c'est souvent une option que t'as vue pendant le match et après. Après, tu la passes en fait. T'as fait un choix, tu dis que le choix que tu fais c'est le bon, et puis du coup t'as déjà cette idée là que l'autre choix il est forcément moins bon, même si c'est pas forcément le cas. Du coup, je préfère regarder les autres matchs. Et les autres... Ok, d'accord, très bien. Bon, bah moi c'est tout pour les questions. Merci messieurs. Merci beaucoup. Merci, vous avez quelque chose à rajouter ? Si vous avez un truc à dire, n'hésitez pas. Bon appétit, bonne soirée. Oui, ça tu dois avoir, enfin mon pauvre, effectivement. Envoyez vos candidatures. Moi, c'est bon, c'est toi qui t'occupes de les récupérer. C'est moi qui les récupérerai, ouais, c'est ça. D'accord. Je t'envoie la mienne et puis après tu t'arrêtes là, t'as plus besoin de récupérer, c'est bon. Ouais, écoute, ça peut se négocier. Allez. Stop the count. Bon, merci messieurs. Allez. De cet événement. Et bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao.